chaîne de prière Nazanga Kate, Emma, Emma, Emma. Et pourtant à la croix tu as tout accompli, Emma, Emma, Emma. Jésus a gagné, Jésus a gagné, Jésus a gagné.